Du 8 au 21 juillet 2019, la radio du Thomas, théâtre d'outre-mer en Avignon, ouvre ses micros et fait résonner les voix de créateurs français originaires des Caraïbes, de Guyane, du Pacifique et de l'océan Indien. Bonjour, bienvenue autour de cette table installée dans la chapelle du Verbe Incarné à Avignon, en plein Festival of d'Avignon. On a passé la mi-festival, on est un peu fatigué, puis on pense à l'avenir, on pense à comment laisser une trace. On parlera de mémoire aujourd'hui, de patrimoine dans cette émission, les spectacles d'outre-mer, un patrimoine à construire et à transmettre. Des invités autour de cette table, ceux qui nous reçoivent tout d'abord, Marie-Pierre Bousquet et Greg Germain. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous êtes bonjour. Les co-directeurs de la chapelle du Verbe Incarné, le théâtre d'outre-mer en Avignon. On parlera avec eux de ce qui se passe ici à Avignon pendant le festival, mais aussi ce que vous souhaitez faire en dehors de ces dates du festival, et puis comment vous prolongez le spectacle, comment vous transmettez, notamment à la télévision, avec des captations de pièces de théâtre. On va parler avec des artistes aussi. Josiane Antourelle, bonjour. Bonjour tout le monde. Vous êtes chorégraphe et danseuse, vous jouez ici au Verbe Incarné. Le cri de mes racines, on parlera de la mémoire de la danse avec vous. Comment vous avez réitéré ce spectacle, comment vous avez réédité et recréé ce spectacle. Savannah Massé, bonjour. Bonjour David. Vous êtes la fondatrice d'un site internet qui s'appelle La Mémoire du théâtre contemporain, tout est dans le titre. Vous êtes également metteur en scène et on s'interrogera sur comment collecter, comment témoigner du théâtre aujourd'hui. Bonjour Véronique Paloma. Bonjour David et bonjour à tous. Vous êtes responsable éditorial chez France Télévisions du pôle Outre-mer et vice-présidente du CREFORM qui est le conseil représentatif des Français d'Outre-mer. Avec vous évidemment on parlera de la possibilité, alors, si Franço existe toujours ou pas, comment on fera, de transmettre la culture ultramarine ici évidemment et puis un petit peu partout grâce à la télévision certes et puis également aux différents réseaux sociaux ou au web. On va commencer avec le spectacle, Josiane Antourelle, on va commencer avec vous, la transmission, la mémoire. Petit extrait de ce spectacle, Le cri de mes racines qui est au théâtre du Verbe Incarné. C'était qui? Jean-François Colombo. GFC, pour les intimes, les amis, les danseurs. Superbe, un prince mandingue, un genre de prince mandingue, même s'il est né en Martinique, à Saint-Pierre, dans le nord de l'île. Superbe danseur, chorégraphe, pédagogue aussi. Magnifique. Alors pourquoi on parle de lui aujourd'hui? Eh bien, sa fascination pour Haïti. Tu vois, il est parti tôt, hein, il avait 27 ans quand je l'ai connu. Il est parti à 33. Et il était fasciné par Haïti, la capacité qu'ils ont de se relever s'ils tombaient mal élevés, toujours. Avec une comparaison pas sympathique pour la Martinique, parce que quand même, ils nous voyaient un peu anesthésiés par rapport à eux, hein. Gâté, anesthésié. Ok. Mais alors, c'était quoi son parcours? Eh bien, écoute, il a commencé, il s'est formé en Martinique au début. Et puis, il s'est vite fait kidnapper parce qu'il était très, très doué. On l'a emmené en Europe, à Luxembourg, Amsterdam, Lausanne. Il a dansé dans plein de compagnies. On lui a donné l'occasion aussi de composer ses premiers ouvrages. D'accord. Et ouais. Puis il est rentré, il est revenu au pays. Comme on dit, il est revenu au pays. Avec la tête et les carnets pleins de rêves, d'utopies réalisables, de projets en veux-tu, en voilà. Et il t'a trouvé. On parle là de Jean-François Colombo. Alors Jean-François Colombo nous a quittés il y a 23 ans. C'est un hommage et un souvenir que vous témoignez là. Je voudrais qu'on parle de cette pièce, de ce cri de mes racines. Alors, en deux parties peut-être. Comment vous l'avez créé et recréé depuis 1992? Et puis aussi comment on intègre les danses traditionnelles? Comment on transmet cette culture, ce patrimoine? Mm-hmm. Comment vous l'avez fait durer depuis 1992? Comment le spectacle a évolué, Josiane Antourelle? Oui, le solo que Jean-François m'a laissé a bien vécu après son départ. J'ai tourné cette danse-là dans pas mal d'endroits. Et déjà, à un moment donné, ce type de technique demande une énergie particulière qui, comme on dirait en créole, il faut que m'en laisse ça à la jeunesse, en lait. Il faut que je laisse quelqu'un plus jeune prendre le relais. Donc, j'avais vraiment à cœur de trouver une interprète, ou un interprète d'ailleurs, qui pourrait reprendre le flambeau. Suite. Donc il y a déjà une transmission de ce que j'ai reçu à quelqu'un d'autre, mais ce que j'ai reçu même a été transmis par Jean-François, que personne ne connaît en Martinique. Donc c'est quand même très grave. C'est pour ça que j'aime pas trop quand ma partenaire me pose la question, mais pourquoi on parle de lui ? Ben parce que sinon on l'oublie. Parce que si on demande au bureau du patrimoine, c'est qui Jean-François Colombo ? Ils ont dit Colombo. Ça a pas un petit goût de curry ou toi ? C'est un peu. Non, moi je trouve ça très grave. Donc et puis on a réussi à faire ce travail parce que kilomètres d'acharnement. Inscrite dans la punition sacrée du métier de saltimbanque depuis. Et puis les carnets, les notes, les traces, parce que moi je ne suis pas du tout électronico, rien comme ça. Ah, vous écrivez. Donc j'ai des kilomètres de carnets par contre, avec des petits dessins, des notes et des impressions. Et j'en avais offert aussi à Jean-François quand on travaillait. Et j'ai pu les récupérer. Et fouiller, et voir vraiment. D'ailleurs, dans le spectacle, la première partie, c'est un vidéo qui montre, c'est ça, le processus créatif en amont, avec tout ce travail d'écriture au propre, au figuré. Vous avez rencontré Ina Boulanger, c'est ça, avec qui vous formez le duo ? Est-ce que ? Quand vous avez rencontré Ina Boulanger, ça s'est fait instantanément ? C'était simple ou c'était difficile ? C'est toujours difficile, on dirait que ça fait partie de la chose. C'est un peu dommage, d'ailleurs. On dirait que si c'est pas difficile, il y a rien derrière. Ça va pas, ouais. En danse, on apprend qu'il faut plier pour sauter, ça c'est sûr. Si tu plies pas, tu te lèveras pas. Mais quand même, il y a plier et puis il y a exagérer aussi. Je veux pas lancer aucun débat là sur la pliure en question. Mais dépendamment où on vit, c'est difficile exprès. Vous étiez mis quoi comme limite ? J'ai auditionné beaucoup de jeunes danseuses, de jeunes danseurs. Et je m'étais dit, il faut que je trouve quelqu'un qui ait des jambes saturées d'esprit. Il faut que je trouve quelqu'un qui pense avec ses pieds. Il faut que je trouve quelqu'un qui a la tête bien plantée. Et j'ai trouvé Ina. Là, vous l'avez trouvé. Ouais. Parce qu'on se connaît depuis longtemps. On travaille, elle en théâtre, beaucoup plus qu'en dans le mouvement, si on peut dire, parce que c'est quand même un théâtre où le corps est engagé. Et elle a compris des choses de la pièce que physiquement, elle aurait été incapable de mettre en œuvre au niveau technique. Mais c'était secondaire. Il s'est trouvé qu'on a travaillé ça après la technique physique. Parce qu'il fallait qu'elle adhère à l'imaginaire de Jean-François, à sa dimension, quoi, quand même. Vous avez imaginé votre sortie ? Vous y avez pensé ? Sortie. Est-ce qu'un jour, vous n'y serez plus peut-être dans cette pièce ? Comment exactement. Vous allez gérer la suite ? C'est pour ça qu'on a, en fait, en voulant le transmettre la pièce, on s'est trouvé à fouiller, comme je voulais présenter à Ina, le joyau qu'il y avait au fond là-bas. Ouais. Et en fouillant pour retirer le joyau, pour lui expliquer de quoi il était fait, tout ça, eh ben, la matière qu'on a déblayée, la terre autour, c'était comme une belle matière pour travailler aussi. Et ça a fait un écrin pour le joyau en question, ce qui on s'est retrouvé avec 50 et puis minutes au lieu de 12 minutes de solo. Et c'est devenu un duo qu'on a concrétisé. Puis le jour où je serai vraiment fatiguée physiquement, j'aurai peut-être plus envie non plus. Le solo va exister par elle. Oui, c'est ça l'idée. Pardon. Greg Germain. Je pense que Josiane ne sera jamais fatiguée, en fait. Je pensais pas à la fatigue, peut-être à l'envie danse. Ou autre chose. Je passerai à un autre genre de danse. Si je m'arrête, je suis autant crevée tout de suite, hein, aucun intérêt. Je ne saurais plus pourquoi je me lève le matin. Oui. Merci Josiane. Merci. On va parler de la mémoire du théâtre contemporain, Savannah Massé. Vous avez fondé ce site internet il y a 3, 4, 5 ans maintenant, si je ne me trompe pas, 6, 7, 12, 20 ? Non, et combien d'années que ça existe ? Alors, je l'ai lancé l'année dernière, pendant le festival, parce qu'en fait, j'avais eu une bourse du syndicat de la critique. Et donc, ça me semblait, étant donné le contexte de tout ce qui se passe ici, relativement logique de lancer à cette période-là. 1500 spectacles pendant une vingtaine de jours qui se jouent ici dans ce qui est le plus grand théâtre du monde, visiblement. L'idée, c'était de capter quoi ? C'était de le transmettre à qui ? De le conserver peut-être combien de temps aussi ? Est-ce que c'est éternel ou pas ? Alors en fait, l'idée, il y en a plusieurs. La première, c'était de permettre à des metteurs en scène, des comédiens et des auteurs de théâtre de leur accorder une parole un petit peu plus libre que la minute de zapping qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui. Donc d'aller un petit peu plus en profondeur dans leur univers. Donc ce sont des captations. En fait, l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'ils écrivent un texte, qu'ils jouent dans un spectacle ou qu'ils font une mise en scène, on se rencontre devant la caméra et on en discute pendant une demi-heure. L'idée, c'est de les suivre sur plusieurs années pour à la fois donc, entrer dans leur univers, mais leur permettre de laisser la trace qu'ils ont envie de laisser, leur permettre de montrer ce qu'ils ont envie de défendre et aussi, quelque part, de constituer un travail d'archive pour montrer une partie de ce qu'est la mémoire du théâtre, le théâtre contemporain du XXIe siècle. C'est vrai qu'en fait, moi, j'ai fait des études d'art du spectacle et j'aurais bien aimé, quand j'étais à l'université, pouvoir avoir des traces numériques de mes prédécesseurs. Et c'est vrai qu'il n'y en avait pas forcément. Aujourd'hui, c'est un projet qui est en partenariat autant avec Arsena, qui est l'ancien Centre national du théâtre qui a fusionné avec les arts du cirque et de la rue, et aussi avec la Sorbonne Paris 3. Donc en fait, on organise des débats là-bas en présence des étudiants. Donc ça permet de créer du débat. Après, la bibliothèque de la Sorbonne garde une mémoire, une trace en fait de ça qu'ils conservent dans leurs archives. Donc ça permet de faire vivre le travail de ces artistes temporellement. Vous abandonnez les droits, la possession de toute cette matière, vous la proposez, ils peuvent l'utiliser, ils peuvent peut-être la transformer d'ailleurs, ou pas ? Alors pour l'instant, oui, parce que c'est sur un site internet qui est accessible à tous, et voilà, mais je pense qu'ils n'en ont pas spécialement le désir. Enfin, je pense que ce rendez-vous quotidien leur convient, et ce qui leur plaît surtout dans les échanges qu'on a pu avoir, c'est justement cette parole libre, et puis c'est laisser une trace, parce que c'est ce dont on a tous envie aujourd'hui, au-delà de la création, c'est laisser une parole, parce que bon, c'est quand même à ça que sert le théâtre aujourd'hui, de montrer aussi comment est perçue la société à travers une scène de théâtre. Donc c'est cette question de trace, vraiment, qui les intéresse. La durée des entretiens, c'est 30 minutes, c'est ça ? À peu près, oui. Après, ça dépend. Hein. Les débats peuvent durer 1h30, 2h quand on fait des tables rondes à la Sorbonne. Mais en général, oui, les entretiens sont autour de 30 minutes. Le site internet, l'adresse, c'est ? lamémoireduthéâtre.com. Lamémoireduthéâtre.com, ça va damasser. Je reviendrai avec vous tout à l'heure. Véronique Poloma, on va parler télévision maintenant et Franço notamment. Ça, on est où ? Petit point là, on en est où de Franço ? Ça s'arrête ? Ça s'arrête pas, la chaîne de télévision des Outre-mer ? On peut dire qu'on en est au point mort, puisque la chaîne est censée s'arrêter en septembre 2020. Donc avec un projet annexe qui est en train de se développer, un portail numérique, qui, on l'espère, permettra de poursuivre ce travail de production. Il y a déjà des places qui ont été faites. J'étais assez heureux de voir il y a quelques jours une émission de télé presque en prime time consacrée aux Outre-mer sur une chaîne du service public. Ça continuera, ça aussi ? On aura une autre exposition sur les chaînes France 2, France 3 ? Eh bien, David, on ne peut que l'espérer. Qu'il y ait un prolongement effectivement de ces productions sur les autres chaînes nationales. Il y a déjà certains projets en cours, tels que notamment une émission quotidienne qui sera diffusée sur France 3. Maintenant, bon, moi, ma préoccupation, c'est le spectacle vivant, c'est la culture, c'est la littérature, donc voilà. Où ce contenu va-t-il aller ? Il ira quoi ? Sur les plateformes numériques, digitales ? Il ira plus sur le digital que sur, j'imagine, sur le flux des chaînes de télé ? Très bonne question. Moi, je pense qu'il y a déjà des spectacles événementiels dont on va essayer de s'assurer qu'ils seront également diffusés sur les chaînes nationales. Il y a, à mon avis, des passerelles possibles. Je suis obligée de dire à mon avis, parce que pour l'instant, ce n'est pas écrit encore et ce n'est pas tout à fait acté. Mais voilà, on fera tout pour y parvenir. Et puis après, sur ce portail numérique, c'est la mise en ligne de production. On espère continuer à produire des formats longs, quoi. Ce serait quand même dommage de proposer du spectacle vivant découpé, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, ça représente quoi sur Franço, le spectacle vivant ? Il y a quelle place pour le théâtre ? Alors, on va dire qu'on capte à peu près, on va dire, 13, parfois 15 spectacles vivants par an, en tout D'accord. cas minimum un par mois. On est quand même la chaîne qui produit et diffuse le plus de spectacles vivants du service public audiovisuel. Donc voilà, on espère poursuivre cette mission et surtout produire des spectacles vivants des Outre-mer, parce que c'est ce qui va se faire rare si on ne se bat pas pour obtenir effectivement un résultat. C'est quoi la différence entre les deux canaux aujourd'hui, une chaîne de télé traditionnelle et une plateforme digitale ? Disons que ce n'est pas la même consommation. Alors, l'avantage du digital, en tout cas du numérique, c'est de pouvoir consommer quand on le souhaite. Hein. Donc, quelque part, cette offre, elle est vraiment très intéressante parce qu'elle offre une liberté de consommation. Donc, la mise à disposition de ces programmes est quelque chose d'extrêmement intéressant, mais on va dire que c'est quand même complémentaire d'une diffusion sur une chaîne de grande écoute, une chaîne nationale. Donc, maintenant, il va falloir trouver le juste compromis. C'est à la fois proposer des captations événementielles sur les chaînes nationales. Ça, on va s'y employer. Et on mène en ce sens un travail, en tout cas un véritable combat avec Greg Germain et Marie-Pierre Bousquet. Il y a une énorme mobilisation. Absolument, pour l'expression de ces cultures des Outre-mer. Ça va se poursuivre. Voilà. Et sur le numérique, on proposera peut-être des choses un petit peu différentes. Alors maintenant, on innove. Hein. On a innové déjà, parce qu'on travaille en parfaite concertation, en proposant des créations dans des décors naturels, qui nous semble être aussi une bonne façon de faire évoluer le spectacle vivant et de le sortir des salles. À côté de ça, on propose d'autres expériences, notamment le fait de vivre un spectacle vivant en direct, donc en Facebook Live. C'est encore une façon de démocratiser le spectacle vivant et d'être dans le partage et de permettre aux internautes de vivre des expériences innovantes. Donc voilà, on se projette et on va continuer à proposer des expériences. Allez, longue vie à cette transmission et à cette collecte de la mémoire aussi. On reviendra avec vous dans quelques instants, Véronique Poloma. Avant de parler d'une cité de l'Outre-mer, à Avignon avec Marie-Pierre Bousquet, avec Greg Germain. Je voudrais qu'on écoute le travail qui est fait par la Bibliothèque nationale de France. Il y a un département des arts et du spectacle qui est à la Maison Jean Villard à l'année, ici en Avignon. On conserve la mémoire des spectacles vivants. Lenka Bokova, elle est conservatrice, celle qui est en charge de cette collecte à la fois de flyers, d'affiches, de programmes. Écoutez-la, elle nous explique ce qu'elle fait, comment elle utilise cette matière et pourquoi on le fait, Lenka Bokova. Signaler, mettre à la disposition et valoriser la mémoire du Festival d'Avignon. Ce sont les missions qui ont été inscrites dans les missions de la Maison Jean Villard après la mort de Jean Villard en 1971. Et donc, c'est en 1977 qu'une première convention a été signée entre la Bibliothèque nationale, la ville d'Avignon et l'association Jean Villard. Le Festival d'Avignon, c'est quoi? 50 spectacles actuellement par édition. Le off, en revanche, c'est cette année, je crois, un peu plus de 1500. Donc, c'est effectivement un travail considérable qui serait impensable de faire depuis Paris. Donc, tous les ans, je pense qu'on prouve l'importance de faire ce travail ici. Mon rêve, ce serait qu'il y ait davantage de chercheurs, qu'il y ait, disons, des projets de recherche sur plusieurs années soutenus par les universités et l'Agence nationale de la recherche autour de l'histoire du Festival d'Avignon. Et je suis vraiment étonnée qu'il n'y ait pas, que ça n'existe pas encore. Le théâtre d'Outre-mer est très concentré à la chapelle du Verbe incarné, mais il est aussi joué ailleurs. Il est aussi joué dans le Huyn et dans d'autres théâtres, si on prend en compte d'une part les auteurs et d'autre part les compagnies. Hein. Et là, par exemple, aujourd'hui, ce recensement n'existe pas. Et ce pourrait être tout à fait un sujet d'un master. Un étudiant en master pourrait très bien faire un recensement de la présence du théâtre d'Outre-mer à Avignon. Voilà, le projet est lancé, en tout cas l'appel est lancé pour un étudiant qui voudrait s'intéresser à toute cette matière qui a été collectée. Alors tout à l'heure, je parlais de la cité de l'Outre-mer, c'était un projet qu'avait lancé l'ancienne ministre des Outre-mer, on l'écoutera dans quelques instants, Georges-Paul Angevin. Avant ça, Greg Germain, Marie-Pierre Bousquet, quel est le projet ici, ce centre de ressources autour du théâtre d'Outre-mer pourrait être à Avignon et peut-être même ici dans les locaux où on est, dans la chapelle du Verbe incarné? Bon, alors juste avant, David, je voudrais corriger une petite chose, c'est pas Georges-Paul... l'ancienne ministre des Outre-mer. Ça fait 25 ans qu'on parle d'une cité des Outre-mer à Paris, donc on voit bien que c'est une Arlésienne qui n'aura jamais... Le président Hollande avait provisionné un petit peu d'argent et même trouvé un lieu dans Paris pour faire cette cité des Outre-mer qui devait accueillir du spectacle vivant, je parle de la danse, des arts plastiques, etc., du cinéma, avec... Bon, ça ne se fait plus puisque le nouveau gouvernement a décidé que ça n'existait pas. Ça fait 22 ans que la chapelle existe à Avignon, qu'elle fait du spectacle vivant. Vous connaissez mon implication dans le festival OFF lui-même. La ville d'Avignon, qui est une bienveillante ville d'accueil avec nous, nous permet d'occuper ses locaux avec une convention, évidemment. Et on se dit, c'est peut-être le moment ou jamais, avec ce que nous avons collecté aussi depuis 22 ans, ce qui concerne les Outre-mer, de faire en sorte qu'un tel lieu puisse servir non seulement à l'année, bien sûr devenir pérenne, mais servir de lieu d'accueil, de centre de ressources, de tout ce qui concerne le patrimoine du spectacle vivant des Outre-mer, en tout cas dans notre capitale, pour nous, ultramarins du spectacle vivant, c'est-à-dire la ville d'Avignon. C'est extraordinaire d'en parler comme ça. Donc ça pourrait être ici, dans ces pièces, dans ces lieux. Comment ça s'incarnerait dans l'ensemble? Alors, il y a la chapelle du Verbe incarné, puis il y a tout un ensemble autour de dépendances aujourd'hui. Je laisse la présidente Bousquet. Marie-Pierre Bousquet, là-dessus. Je ne suis pas du tout présidente, merci quand même. Ça y est, c'est fait, c'est nommé. Ça y est. Oui, effectivement, ces lieux, comme le disait Greg, sont extrêmement accueillants, extrêmement bienveillants. On s'y sent bien depuis 22 ans. Il y a une caméra. Greg Jamin est en train de nous mimer les différents lieux, les différentes pièces. Pour ceux qui sont à l'image, vous avez le détail. La question de la transmission du patrimoine et de la trace du spectacle vivant, c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous. Josiane Antourelle en a parlé et le fait sur son plateau permet au travail de Jean-François Colombo, à sa mémoire, à ce qu'il lui a transmis, elle le transmet à d'autres et elle fait ça. Et nous, au cours de ces 22 années au Festival d'Avignon, on s'est rendu compte que cette trace, cette mémoire du spectacle vivant ultramarin, elle existe, mais elle n'est pas collectée, elle n'est pas référencée, elle n'est pas remise à disposition. Donc à la fois le travail artistique que quelqu'un comme Josiane Antourelle fait en transmettant à Ina Boulanger, le travail plus répertoriant, universitaire presque, et puis dynamique que fait Savannah Massé. Tout ça, ce sont des sources d'inspiration très fortes pour nous. Véronique Poloma a parlé aussi des captations que nous faisions de spectacles vivants. Au fil de l'eau, au fil des années, on a peut-être, nous, collecté 150 ou 160 pièces, œuvres de spectacles vivants concernant l'outre-mer. Et la disparition de Franço, enfin beaucoup de choses font que on se dit qu'il est important de construire un socle qui permette aux nouveaux arrivants, comme aux plus anciens d'ailleurs, de connaître cette histoire, de s'appuyer dessus et de la mettre en route. Donc oui, David, bien sûr, ce lieu, ce serait un lieu d'accueil absolument majeur pour cette histoire-là, pour les artistes au travail, mais je crois que le lieu qu'on envisage, c'est vraiment un lieu qui soit ouvert. Donc bien sûr, il prend ancrage dans ses murs et dans la ville d'Avignon, parce que c'est la capitale du théâtre, mais je crois que ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il soit traversé par les Alizés en permanence, pour que tous les courants, d'est en ouest, d'ouest en est, du nord au sud, traversent le lieu pour porter la parole des créations et surtout en faire des créations vivantes, dynamiques et faire en sorte que ces murs soient un refuge et une maison commune, mais permettent d'être ouverts sur le monde. Et là, en ça, la parole d'Édouard Glissant qui a été installée ici depuis des années est comme un phare, comme un modèle, et on essaie de la suivre pour permettre ça. Greg Germain. Oui, au-delà de ce que dit Marie-Pierre, ce lieu qui était d'abord un lieu de diffusion adresse plus particulièrement la question de la relation de toutes les identités culturelles de notre pays. Marie-Pierre a dit Alizés, vents du nord et du sud, de l'est et de l'ouest. Il y a l'Océanie, bien sûr, il y a le Pacifique, le continent invisible. Et il y a aussi Saint-Pierre-et-Miquelon. Il y avait des jeunes Saint-Pierrais qui, pour la première fois, depuis que Saint-Pierre est français, n'est-ce pas, et ça fait plus de 5 siècles, venaient jouer ici. Donc je disais que ça adresse, oui, la relation entre toutes les identités culturelles de cet archipel qu'est la France. Parce que je pense que si en Nouvelle-Calédonie, en Océan Indien, etc., en Réunion, Guadeloupe, Martinique, mais il y a aussi, je ne suis pas sûr que les gens du Nord, Pas-de-Calais, ne fassent pas aussi partie de cet archipel. Et donc c'est cette relation qui est établie dans ce lieu-là, les imaginaires qui font que les gens travaillent ensemble, les hommes et les femmes qui incarnent ces imaginaires, et les spectacles vivants qui y sont présentés. Donc un lieu pérenne, oui, un lieu qui va nous permettre de croiser les regards, de travailler aussi non seulement avec notre ville d'accueil depuis les territoires que nous avons, et je ne vais pas les citer tous les 10, mais aussi avec plus précisément la ville d'Avignon, la région de Vaucluse et la PACA, et puis plus loin évidemment en France. Donc C'est ce que ce projet-là voudrait être si les petits cochons ne le dévorent pas. Marie-Pierre Bousquet. Oui, sur les projets qu'on souhaite accueillir à terme ici dans une chapelle renouvelée avec des espaces réaménagés, c'est aussi bien sûr un lieu de mise en relation, c'est-à-dire que nous n'envisagerions pas d'accueillir un groupe artistique, de l'enfermer dans les murs et de faire repartir les gens, c'est-à-dire que chaque projet artistique et culturel qui sera accueilli ici sera assorti d'un projet de mise en relation territoriale, que ce soit avec la ville d'Avignon, le département, la région ou plus largement d'autres Outre-mer ou l'Hexagone. C'est-à-dire que chaque projet qui sera accueilli sera vraiment dans une relation artistique et culturelle avec un milieu divers et chaque fois on réinventera cette relation. Place à la rencontre et place à l'échange. C'est pour quand ? C'est pour quand ? Ça, c'est la question qui tue. C'est pour bientôt. C'est pour bientôt. C'est en cours, ça se construit, ça se fabrique ? C'est en cours, oui. Grâce au ministère de l'Outre-mer, on a pu engager un architecte qui travaille et qui nous a fait des premières propositions. Maintenant, on est dans la partie chiffrage et mise en œuvre. Mais de toute façon, sur le phasage, nous souhaitons faire en sorte que la continuité du festival soit assurée. Et partant de là, on est sur un projet qui devrait durer de maintenant à sa mise en œuvre au moins 3 ans. Oui, Véronique Poloma, dans un instant. Greg Germain et oui, puis Véronique. Grâce aussi, non seulement au ministère, mais à la ville d'Avignon, qui accueille avec bienveillance ces théâtres d'outre-mer en Avignon. Et je crois même que ça plaît beaucoup à la ville. Nous avons rencontré Madame L, la maire Cécile L, tout à l'heure, qui vient d'ailleurs de remettre, pardon de dire ça, la médaille d'honneur de la ville à Marie Scondé, la prix Nobel de littérature de 2018. Et nous présentions justement ce projet à Madame le maire et elle était tout à fait ravie et elle attend d'en savoir un petit peu plus. Mais je crois que nous avons un accueil vraiment bienveillant de la ville. Véronique Poloma. Oui, David, non, il me semble important de dire qu'à travers ce travail qui se fait sur les spectacles vivants des Outre-mer, c'est vraiment un travail effectivement sur les identités, mais au-delà de ça, on se rend compte à quel point ces spectacles peuvent entrer en résonance, ils sont pourtant originaires des Outre-mer, mais en résonance avec des cultures plus internationales. Moi, j'ai en mémoire effectivement le sac de l'Ita où il y a eu un travail en commun entre la Guadeloupe et la Corée. Enfin, on se rend compte qu'on dépasse les frontières, on casse les codes. On s'entend, on se comprend, on s'enrichit mutuellement. Donc on est dans un message universel, humaniste, et ça c'est important. Josiane Antourelle, est-ce que vous auriez un intérêt à venir là ? Ça vous plairait de vous installer ici, de transmettre ici, d'échanger, de rencontrer ? Seriez partante pour l'aventure ? Ah non, je ne serais pas contre. Je serais tout contre. J'aimerais ça beaucoup. Déjà, être là, c'est bizarre, c'est peut-être ce que je vais dire, mais dans un théâtre, je me sens chez moi, je me sens à ma place. C'est la première fois que je viens à Avignon, même si mon travail m'a précédé d'une certaine façon. Mais je suis vraiment à l'aise, quoi. Il y a quelque chose de normal avec un grand N. Et le fait de pouvoir jouer la même chose dans le même écrin plusieurs fois de suite, mais c'est cadeau. Parce que c'est la seule façon d'améliorer, de polisser, d'affiner, de patiner un ouvrage. Avant ça, il existe. Parce qu'il a été pendu, mais après, qu'est-ce qu'on prévoit comme vie pour ce bébé-là ? C'est une des raisons d'être du Festival Off d'Avignon, d'être sur la durée, de pouvoir jouer le spectacle 20, 23, 24 fois certaines années aussi, et surtout pas de réduire le nombre de fois. Enfin, Greg Germain, je sais que vous êtes très attaché à ça. Eh bien oui, puisque c'est même les cinq piliers pour moi, les cinq piliers qui fondent le Off, c'est le fait de pouvoir travailler dans la durée et donc de policier, comme tu dis, mais de professionnaliser son travail beaucoup, de rencontrer de nouveaux publics, c'est la deuxième chose, de diffuser son spectacle. N'oublions pas qu'Avignon est un des plus grands marchés, pas seulement le grand marché du théâtre. Et je sais que lorsque je dis que les gens viennent ici pour vendre leur spectacle, on pense que je suis un affreux capitaliste, mais enfin, il me semble que ça n'est pas un signe d'aliénation que de vouloir vendre le travail qu'on en a fait. Et puis la cinquième raison, c'est aussi de croiser les regards. Et c'est la raison d'être de ce théâtre-là, celui de croiser les regards avec les créateurs qui appartiennent au même pays, quelquefois aux mêmes identités culturelles. Je veux dire que nous parlons français, tous, mais nous avons des géographies qui sont différentes, des vents, les alizés dont parlait Marie-Pierre tout à l'heure, et des façons d'être au monde qui sont différentes. Et c'est le fait de se croiser, de se voir, de se rencontrer, de quelquefois s'admirer, parfois de se détester, qui fait qu'on comprenne un peu mieux l'autre. Je voudrais qu'on écoute Georges Paulhanvin en parler de la députée et ancienne ministre des Outre-mer qui était de passage au festival ICI OFF le 16 juillet dernier. Elle parlait du projet de Cité des Outre-mer, hein, Greg le citait il y a quelques instants, qu'elle a porté en tant que ministre. Elle regrette évidemment l'abandon de ce projet et puis elle est peut-être partante pour d'autres idées aussi. Je regrette pour ma part, j'avais tenté quand j'étais ministre des Outre-mer de mettre en place une Cité des Outre-mer à Paris où les artistes pourraient venir se faire connaître, puisque c'est très difficile quand on vit dans les Outre-mer de percer dans le monde du théâtre aujourd'hui. Mais il y a quand même une forme d'indifférence massive à ce type de culture qui rend la vie de ces artistes-là extrêmement difficile. Si Greg Germain et Marie-Pierre arrivent à développer ici la chapelle du Verbe incarné, à créer ce qu'on voulait, c'est-à-dire une bibliothèque, un accès à une documentation, tout cela sur les Outre-mer. La seule chose que je vois, c'est que dans en région parisienne, il y a une masse critique déjà de gens intéressés par le sujet. Ici, il faut les faire venir, peut-être. Greg Germain, Marie-Pierre Bousquet. Oui, ma réaction immédiate, c'est évidemment, Georges a raison. Il faudrait centraliser ça encore à Paris. Non, justement. Ah. Et c'est là que je trouve que nous raisonnons trop de façon nord-sud et que le nord soit toujours inscrit dans la capitale. Non, pas forcément. Justement, Avignon, c'est pendant un mois la capitale du théâtre en France. Tu sais, David, lorsque j'avais été président de ce festival de 2006 à 2015, j'avais voulu que l'on puisse faire dans les théâtres qui sont fermés dans cette ville-là des résidences de création en automne, des résidences de création en juin qui permettraient aux compagnies de venir jouer. Donc on sait bien qu'il suffit d'une volonté peut-être ministérielle, mais moi je pense que ce sont des ambitions citoyennes qui font que nous installons un lieu quelque part et que ce lieu-là est un lieu de rendez-vous, pas forcément une capitale où on est perdu avec 10 millions de personnes. Enfin, on a la décentralisation, ça existe en France et il faut poursuivre, il faut continuer. C'est très bien, très bonne chose. Enfin, vu d'un provincial. Pierre Bousquet. Oui, puis le travail territorial dont je parlais tout à l'heure, effectivement, c'est aussi ici qu'on a envie de le faire. Ça, c'est clair. Ça fait 22 ans qu'on est accueillis dans cette région. Nous avons en plus une population ultramarine très forte en PACA. Les archives des Outre-mer sont à Aix-en-Provence, donc on est aussi en proximité. On est en proximité de la Chartreuse pour les écritures. Or, en Outre-mer, il y a beaucoup de grands auteurs de littérature, de grands prix. On a parlé de Marie Scondé tout à l'heure, qui a eu le prix Nobel en 2018. Or, il y a relativement peu d'auteurs dramatiques. Donc ça, c'est aussi quelque chose à développer. On a des partenariats à faire avec les Hivernales pour la danse, avec Festo Piccio pour le jeune public, avec l'ISTS pour la formation. Donc effectivement, on a ici un terrain... C'est ce qu'on appelle l'écosystème aujourd'hui. Tout à fait. Et de toute façon, comme je le disais tout à l'heure aussi, nous, on vit le lieu comme étant dans des murs, mais vraiment dans des murs ouverts, qui font que finalement, on pourrait être dans la Creuse, à Paris ou n'importe où. Finalement, ce qui est important, c'est quels sont les contenus qu'on fabrique, dans quel écosystème on les installe et surtout comment on ouvre. Donc je pense que quand même la capitale du théâtre, c'est un beau lieu pour accueillir ce projet. Vous en avez parlé à Marie Scondé tout à l'heure, vous l'avez reçu. Alors nous sommes samedi 20 juillet, vous l'avez reçu ici au théâtre. Oui, on l'a reçu, on lui en a parlé. Je crois qu'elle est vraiment ravie de ce projet-là. Et pour faire une confidence, c'est vrai que dans ce lieu, on imagine une bibliothèque et une médiathèque et dans la confidence, on a demandé à Marie si elle accepterait que cet espace porte son nom et elle nous a dit oui. Allez, on écoute sa réponse. Marie Scondé, c'était il y a à peine quelques minutes avant l'enregistrement de l'émission. Nous avons un projet qui prend doucement forme, qui est de faire évoluer ce lieu d'un temps festivalier vers un centre de ressources pour les arts de la scène, pour les Outre-mer. Marie, nous avons espéré... et eu tous envie de te demander si tu accepterais que cette bibliothèque, médiathèque, porte ton nom. Marie-Pierre et Greg, j'accepte avec grand condescendance que mon humble nom, soit donné à cette belle salle. Ça, C'est fort, c'est marquant et c'est engageant, Marie-Pierre. Ah, merci, c'est magnifique. C'était il y a quelques minutes, ce 20 juillet après-midi, avec la voix de Maryse Condé qui accepte donc que son nom soit porté sur, sur cette bibliothèque. On va continuer à parler de ce lieu, de cette possibilité de recueillir. Avant ça, je voudrais écouter Savannah Massé. Vous êtes metteur en scène, vous êtes arrivé sur le Off il y a déjà pas mal d'années, mais un beau jour, vous êtes devenue chroniqueuse, vous avez commencé à parler du Festival Off dans les médias, ça s'est fait d'un seul coup presque du jour au lendemain. Pourquoi vous avez accroché ici avec le Théâtre d'Outre-mer en Avignon ? Qu'est-ce qui vous a retenu ici ? Marie-Pierre qui m'a retenue en otage. Moi, c'est vrai que c'est un lieu dans lequel j'allais voir des spectacles. Après, je n'avais pas forcément l'occasion de rencontrer les artistes. Et ça, c'est ce que m'a permis cette radio, en fait. C'est de côtoyer les artistes au-delà de la création, juste sur la scène. Et en fait, ça m'a permis déjà de découvrir une culture que je ne connaissais pas forcément, donc d'ouvrir vraiment les murs. Et surtout, de me rendre compte, à travers des débats, des échanges, des problématiques territoriales que je ne soupçonnais absolument pas. Donc comment ça se passe, en fait, en Outre-mer, quand on a envie de créer un spectacle, quand on a envie de le jouer ailleurs, que ce soit en France, dans un autre pays, voilà, toutes ces questions-là. C'est beaucoup plus simple qu'en métropole. Oui, forcément. Non, ça l'est pas du tout. Et même au niveau des systèmes, les systèmes sont pas les mêmes. Voilà, il y a des pays où il y a pas l'intermittence. Enfin, ils ont un fonctionnement qui est très différent. Et ça, c'est vrai que c'est des choses dont on se rend pas forcément compte. Donc ça m'a ouvert à ça aussi. Et c'est vrai que on a pu le voir à travers les débats qu'on a eus dans cette émission, notamment samedi dernier. Il y a une perception, en fait, de la création outre-mer qui est quand même assez spéciale, comme si quelque part. C'était moins bien, enfin, il y avait quelque chose de voilà, les gens créent, font des choses, mais voilà, il y a une distinction qui se fait sur ces spectacles-là, donc on a essayé justement d'en parler pour voir où ça se situait, et voilà, enfin, c'est un débat qui m'intéresse, ça s'ancre vraiment dans l'actualité, la société actuelle, donc ça m'a ouverte, clairement, à de nombreux débats. Comment vous arrivez à Avignon, Greg Germain, Marie-Pierre Bousquet, avec le Théâtre d'Outre-mer en Avignon, il y a 23 saisons, c'est ça ? Oui, bon, on ne va pas refaire l'histoire, mais moi, n'oublions pas que je suis un vieil opérateur culturel français. Ouais. Lorsque j'ai commencé, j'avais 20 ans, je suis parti, comme on dit, en décentralisation qui n'existait pas. Il y avait des théâtres à Paris, c'était le désert culturel partout. À Marseille, il y avait deux théâtres, l'Opéra Comique et le Théâtre Municipal, qui recevaient de temps en temps des tournées Tichadel ou je ne sais plus comment il s'appelle, qui recevaient de temps en temps du théâtre de boulevard. Et puis, il y avait le Théâtre Municipal, le Grand Théâtre Municipal, qui recevait quelquefois la Comédie Française. Il n'y avait rien. Donc, quand nous sommes partis, moi, jeune acteur, avec de jeunes metteurs en scène, Antoine Bourseiller, Roger Planchon, Marcel Maréchal, Dasté, enfin, tous ceux qui avaient 30, 35 ans à l'époque et qui, pour moi, étaient des grands-pères, évidemment, j'avais 20 ans, nous avons fait du théâtre dans les lycées, dans les collèges, dans les cantines, dans les usines, dans les friches, c'était etc. La décentralisation, et c'est comme ça ouais. que nous avons développé le théâtre en France. Alors, ce que je regrette, évidemment, c'est que notre théâtre dans les départements et territoires d'outre-mer, je dis notre parce que même si je suis de la Guadeloupe, je considère que tout ce qui est d'outre-mer ne m'est pas étranger. C'est pas comme ça que nous avons procédé. Nous sommes arrivés en disant il nous faut des scènes nationales. Même s'il y avait déjà des créateurs avant. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a construit les scènes nationales, mais pour créer quoi et surtout pour qui ? Quand on sait qu'une scène nationale est chargée de diffuser l'excellence, qu'il n'y a pas donc, Savannah vient de le faire savoir, d'excellence en Guadeloupe, Martinique, Guyane, et comment pourrait-on, quand on crée quelque chose et qu'on le joue deux fois, donc finalement ces scènes nationales sont destinées à diffuser et à accueillir des spectacles qui viennent d'ici. Donc c'est toujours la même chose, même si quelquefois et souvent, et nous reviendrons d'ailleurs dans cette... Non, on ne reviendra pas, parce que j'allais parler de François et... Hein, on n'y reviendra pas. Mais comme je trouve que c'est un petit peu bête, que ce soit toujours les gens qui sont dans cet hexagone qui décident de parler de ceux qui habitent les Outre-mer. On ne nous laisse jamais parler, on parle pour nous et on parle de nous. Donc c'est suffisant, c'est ce que je disais, ce lieu qui est un lieu de diffusion, il est là justement pour faire rencontrer toutes les identités culturelles de ce pays. On dit que c'est un archipel, je l'ai dit bien avant que le président actuel ne le dise, je crois qu'il y a 10 ans, j'ai écrit dans un des éditos du Off que la France était un archipel et qu'elle ne se réduisait pas à ce simple petit hexagone et qu'il y avait des France partout, en océan Indien, en océan Pacifique, etc. etc. Donc que fasse rencontrer dans ce lieu-là, en deux diffusions, étudiants, toutes les identités culturelles de notre pays qui peuvent parler, participer à la même table et parler dans le même micro à voix aussi haute que tout le monde. Josiane Antourelle, ça vous parle ce que vient d'exprimer Greg Germain? Ça me crie, oui. Le cri de pendant que Greg parlait, je pensais à un monsieur que peut-être vous connaissez, je pense, qui s'appelle Henri Melon. Et Henri Melon a fait ce travail en Martinique d'aller jouer sous les préaux, sur les places de l'église. Bon, voilà. Et un genre de théâtre la rue. Théâtre de rue. Oui, théâtre de rue, avec des flambeaux, avec une corde et un bout de tissu. Et puis voilà, on est là, on joue ça pour vous. Comment ça se passe? Il se passait quelque chose. Le problème maintenant, c'est qu'il ne se passe pas. Il ne se passe rien en dehors de la scène nationale en question, qui a sa place et qui était très bienvenue. Sauf que je disais l'autre jour que je trouve ça indécent d'être programmé deux fois et carrément porno de jouer une seule fois. Hein, c'est, et puis ça, on va dans le, ça va loin dans ce vocabulaire-là, parce que, bon, enfin bref, c'est des avortements, c'est des... On sait tout le travail, tout l'engagement, toute l'émotion. C'est horrible, ouais. On est dans quoi là? Et voilà, il y a ça. Tout focaliser sur Fort-de-France comme ça, c'est fatigant. C'est toujours la même petite poignée de personnes qui vient voir. Et puis on fait des cocktails. Et puis il y a des... Comment ils appellent cocktails après, là, avec des petits fours lambis pour faire couleur locale, les pianos begin jazz. Un petit peu de boudin créole pour faire couleur locale. Kilomètres de frime. Je peux vous dire que j'aime mon pays. C'est pour ça que ça me fait mal comme ça. On frime beaucoup. C'est quoi ton actu? Ouais, je suis sur ma prochaine créa, tu vois. Et mais il se passe rien, Tab. Après, c'est certainement un petit peu partout, pareil dans le monde entier, mais oui. Pardon? Oui, Josiane. Seulement la différence, mais je comprends ce que tu parles. Oui, la subtilité. Ouais. Je veux dire que les communes sont toujours là et on n'y va pas. Et pourquoi? Pourquoi on y allait avant? C'était plus difficile. Oui, la différence, c'est quoi? Ici, c'est un grand pays. Parce que ça se passe aussi ici. Oui, oui, j'imagine. Parce que pendant 20 ans ou 25 ans, le ministère de la Culture n'a adressé que la création dans ce pays, en oubliant la diffusion. Ce qui fait qu'ici, comme dans nos pays, on crée pour manger. Je veux dire par là qu'on a une subvention, on fait son théâtre, on fait sa pièce, on fait sa chorégraphie. Et puis, comme on ne peut pas la diffuser, on a mis assez d'argent de côté pour pouvoir peut-être en amorcer une seconde, une deuxième, etc. Donc c'est vrai que c'est ce qui manque particulièrement dans nos pays. En France, on joue une pièce de théâtre en moyenne 7 fois. Donc ça n'est guère plus. Mais en Martinique, c'est une fois ou deux. Ah oui, si elle joue, oui. Bon, voilà, si elle se joue. Et avec la souffrance qu'on vient d'entendre. Oui, oui, c'est une vraie souffrance pour un créateur de se dire j'ai tellement travaillé, j'ai tellement pétri quelque chose dans mon âme, dans mon corps, pour le voir, la donner, il n'est même pas encore bien fini et puis c'est terminé. Et je suis obligé d'aller faire des grimaces avec le président qui a donné un peu d'argent. Mais c'est super s'il est capable. Je ne dis plus rien, on m'a donné des coups de coude. La radio, ça se voit pas. Qui vous a donné un petit peu d'argent pour faire la misère qu'on peut faire. C'est tragique. Alors, bon, je sais bien. Pardon, je ne suis pas dans un discours. Je sais bien qu'il y a les problèmes des vieux, les problèmes des retraites, les problèmes des etc., etc. Mais je pense et je répète que quand il y a de l'ambition, quand il y a des propositions qui sont faites et qu'elles sont accueillies, par exemple, par cette ville, c'est quand même très rare. Parce que, vous inquiétez pas, hein, j'ai cherché à Paris. J'ai cherché à Paris. Bien, ouais. Hein, okay. Bon. Donc, et ça n'est pas de mauvaise grâce que je me suis réfugié ici. C'est parce que en regardant bien, il y a une logique. Avec Marie-Pierre, on s'est dit, mais si on doit faire quelque chose pour cet outre-mer, c'est ici que ça se fera. Véronique Poloma, le service public de la télévision finance et participe du coup à cette diffusion. On offre un cadre encore plus large que la salle de spectacle, avec la télévision, avec la diffusion, que ce soit sur Franceau, sur un réseau digital aujourd'hui. Alors moi, j'écoutais Josiane Antourelle avec beaucoup d'émotion, en fait. C'est très fort. C'est vrai que c'est terrible d'imaginer qu'une création ne puisse se tourner qu'une fois ou deux. Et du coup, la captation offre une forme d'éternité au spectacle vivant. Et imaginer qu'il n'y ait plus du coup de captation et donc de diffusion, c'est terrible. Parce que finalement, ce prolongement qui permettait à des spectacles, à des créations de survivre, au-delà des représentations, ça aussi, c'est en péril. Donc d'où la nécessité, effectivement, de se mobiliser plus que jamais. Oui, le service public audiovisuel a un vrai rôle à jouer dans la création, la constitution d'une mémoire collective. Place, ouais. C'est ce qui entretient, effectivement, voilà. C'est une forme aussi de transmission, d'où l'importance, effectivement, d'un espace qui va favoriser à la fois la sauvegarde de ces images, à la création, mais la sauvegarde de ces images dans un souci de transmission. Ce sont des cultures qu'on essaye de conserver et de sauver. Ouais, et vous le faites tous, Marie-Pierre Bousquet ? Prenez le micro, pardon. Oui, dans le prolongement de ce que dit Véronique, c'est vrai qu'il faut absolument arriver à conserver ce patrimoine. Toutefois, le passage chez France Télévisions de l'antenne au numérique a quand même une répercussion immédiate, c'est le modèle économique. C'est-à-dire que le modèle économique de production pour l'antenne existe, il n'existe pas pour le numérique. Il y a tout à fabriquer, oui. Partant de là, effectivement, quand on nous dit « on va vous passer sur le numérique », ça veut dire perdre les financements qui permettent de mettre en œuvre ces captations. Donc, c'est une transition qui est extrêmement... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les outils n'existent que pour la diffusion à la télévision, pas non, pour l'instant. Les outils, du point de vue de l'accompagnement du CNC, existent pour les plateformes numériques. Cependant, ce sont des niveaux d'exigence financière que les plateformes numériques ne sont pas prêtes à opérer. Ouais. Et France Télévisions, pour l'instant, à ma connaissance, sur son service numérique, ne permet pas de remplir les conditions financières exigées par le CNC pour permettre des captations. Donc on nous parle d'une transition, mais qui est de toute façon impossible à mettre en œuvre d'un point de vue économique et financier. Voilà, ça c'est dit, c'est pour la suite, à évaluer, à regarder, à observer. Non, regardez-moi le micro, Greg Jamon, quelques instants, mais reprenez-le là-dessus. Hein. On va marquer une petite pause musicale. Je propose d'écouter Christine Salem, quelques instants, puis on terminera l'émission, on conclura, et puis la parole d'Edouard Glissant sera évidemment sur notre radio aujourd'hui. Allez, on écoute un petit peu de musique, petite pause musicale, et on revient dans un instant. Écoutez Grand Large sur la radio du Thomas, théâtre d'outre-mer en Avignon. Allez, on termine la conclusion de de cette émission. C'est avec un petit mot de chacun. Je vais vous laisser aller 20 secondes pour terminer. Peut-être avec une question, une ouverture positive, un constat. Est-ce que Véronique, pour commencer, Véronique Paloma. Oui, David, ce que je voulais dire, c'est qu'en tant que responsable éditorial et responsable notamment du spectacle vivant sur France 2, France Télévisions, je considère le travail que je fais comme une mission. Mais je pense qu'on est tous, dans le cadre de cette mission, pour effectivement valoriser et surtout sauvegarder ces cultures d'outre-mer. Pourquoi c'est important ? Je prends l'exemple de Mariscon, des prix Nobel de littérature, dont les médias nationaux n'ont absolument pas parlé. C'est un scandale. Cela dit, elle a eu un écho international juste incroyable. Aux États-Unis, on s'en est fait l'écho, mais d'une manière phénoménale. Je pense que la France se tire une balle dans le pied en méprisant ou en oubliant ces cultures d'outre-mer qui sont un véritable enrichissement. Donc le combat continue, la mission continue. Et voilà, nous, il est important que soyons tous solidaires pour perpétuer, transmettre, faire rayonner ces cultures à l'international. Merci Véronique. Josiane Antourelle. Un mot, une question pour terminer. C'est un peu pour toi. Confusion, mépris, méprise, il y a de tout ça. On se trompe sur les teneurs des choses qui se passent chez nous. Et on se trompe et donc on ne les voit pas et on les méprise. Et un exemple qui me travaille de l'intérieur depuis quelques années, on a posé une première pierre pour un conservatoire de danse en Martinique. And so what? La deuxième pierre, c'est quand ? Et puis, elle est dans notre dos. Le conservatoire va nous pousser dans le dos un jour. Et qu'est-ce qu'on va y conserver si on ne connaît pas ? Les nouveaux danseurs, les nouveaux chorégraphes qui arrivent ne connaissent pas Colombo, ni Jean-Claude Zadit. Voilà. C'est bien dommage. C'est inquiétant. Ça va l'amasser ? Moi, je pense qu'il faut continuer à détruire les frontières et à éveiller les consciences en venant dans des lieux tels que celui-ci, qui est la chapelle du Verbe incarné, pour se faire son propre avis, en fait, et s'ouvrir. Justement, c'est indispensable. Et je pense que voilà, on peut saluer des initiatives comme celles dont Marie-Pierre et Greg Germain nous ont parlé, parce que c'est indispensable à notre société d'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe. Enfin, les gens se cloisonnent, les gens se ferment, les gens ne se parlent plus. Enfin, voilà, il y a cet état d'urgence et il faut essayer de changer les choses par rapport à ça. Vous n'avez pas trop la pression, Greg et Marie-Pierre ? Pas du tout. Alors le projet... Ils ont un bout de la réponse, c'est génial. Vous avez déjà un très beau bout de la réponse. Oui, non, deux choses, malgré tout, Véronique. Non, Véronique, tu as tort. La ministre de la Culture, Françoise Nyssen, ex-ministre de la Culture, a parlé de Marie-Scondé, puisqu'elle a tweeté à cette très grande écrivaine francophone. Ce manque de culture est dramatique. Quand même dit à Madame Nyssen que Marie-Scondé était une écrivaine ou une autrice française. Bon. Des plus grandes. Bon, plus, ce sont des anecdotes de gens qui ne font que passer dans des ministères et qui n'y restent pas, Dieu merci. Plus près de nous, oui, je comprends, Savannah, merci. C'est effectivement ce qui nous anime. Et j'avoue très honnêtement que s'il n'y avait pas eu Marie-Pierre à mes côtés, il y a très très longtemps que j'aurais abandonné tout ça. Mais comme il y a un binôme, alors finalement, elle me pousse, je la tire. Non, vous voyez ce que je veux dire. Merci à tous. C'était... Et nous irons plus loin. Tiens. Marie-Pierre. Oui, je ne peux pas laisser la fin comme ça. Non, c'est juste pour finir sur une conclusion extrêmement optimiste. C'est que quand même ici, on a un vrai lieu de rencontre, que c'est absolument formidable, qu'on a un projet merveilleux, que de plus en plus de gens nous rejoignent autour de ce projet. Donc c'est juste pour dire que c'est très ouvert, qu'on a envie de construire avec tout le monde, avec les Outre-mer et plus largement en relation avec, dans les premiers cercles, Avignon, le département, la région, l'Hexagone, l'international, l'Europe, voilà, et qu'on vit sans murs et sans frontières, et donc, welcome. David, est-ce qu'on peut juste rajouter que c'est finalement une bonne façon de lutter contre l'obscurantisme et le racisme, et que finalement, c'est un travail pour la paix ? Alors continuons, et vous êtes tous et toutes des pièces qui fonctionnent très très bien ensemble. On va refermer ce grand large, comme le veut la tradition, avec la voix d'Edouard Glissant. Une conférence, c'était en juillet 2009, ici, au Théâtre du Verbe incarné. Il parlait de l'élection de Barack Obama. Pourquoi l'élection d'Obama est un acte poétique, Edouard Glissant. Je suis un peu déçu des dernières déclarations d'Obama. parce que nous avons écrit un livre avec Patrick Chamoiseau qui s'appelle L'intraitable beauté du monde et que, qui étudiait le phénomène Obama. Mais nous avons dit qu'il se pourrait que la fonction même de président des États-Unis pervertisse la qualité de l'homme Obama. C'est possible. C'est possible qu'à exercer une fonction aussi importante et aussi absolue, on prenne de mauvaises habitudes. Ça, c'est possible. Mais ce qui est important, parce qu'il dit maintenant que l'Afrique, ce n'est pas l'Occident qui a fait de l'Afrique, qui a fait qu'en Afrique, il y ait des soldats enfants, qu'il y ait la misère ici ou là. Ce n'est pas vrai du tout. C'est la colonisation qui est... Bon, c'est embêtant. Mais ce qui est fondamental, c'est que l'élection d'Obama est un phénomène, c'est un acte, ce n'est pas un acte politique, l'élection d'Obama, c'est un acte poétique. C'est-à-dire que c'est un acte par lequel la communauté des États-Unis cesse de vivre sur un non-dit fondamental qui était terrifiant, à savoir que les grands héros de cette histoire, fondateurs de cette histoire, Washington, Jefferson, étaient des possesseurs d'esclaves. Et que, quand il disait « tous les hommes naissent libres et égaux », les nègres n'étaient pas dedans. Parce que c'était des possesseurs d'esclaves. Et que Jefferson, sur son lit de mort, a refusé de libérer, d'affranchir ses esclaves, sans doute dans l'intention louable de ne pas faire du tort à ses héritiers, de ne pas leur enlever leur héritage. C'est ça? Et qu'il a refusé l'homme qui a fait la déclaration des libertés aux États-Unis a refusé d'affranchir ses esclaves sur son lit de mort. Et il y avait là un non-dit de l'histoire américaine qui était fondamental. On pouvait pas, une nation ne peut pas vivre avec ça. Éternellement. Et il est certain que l'élection d'Obama, c'est une manière de rattraper l'histoire américaine et de la compléter, de rattraper le non-dit et de compléter réellement cette histoire américaine. Ce que je veux dire, c'est que... Je ne sais pas si je parle pas trop. Oui, je parle trop. Hein. On va s'arrêter peut-être. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, l'histoire ne se fait plus, le mouvement du monde ne se fait plus avec de grands continents qui envahissent le monde, qui le réalisent, comme les capitalismes et les colonisations ont réalisé la totalité monde, et qui l'exploitent, etc. Archives d'Outre-mer, ce sont des extraits d'archives sonores enregistrés au Thomas. Elles sont à retrouver intégralement en podcast sur le site verbincarne.fr.